Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Dupré 1862. Question 132, de la vaine gloire. Que la vaine gloire est un péché, opposé à la magnanimité, car où elle est un péché mortel, est-elle un vice capital, ses filles. 1. Le désir de la gloire est-il un péché? Connaître son propre bien et l'approuver comme digne de louange, ce n'est pas un péché. Saint Paul écrivait, « Nous avons reçu, non l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les dons que nous tenons de Dieu même. » 1 Corinthiens 2, 12. Il ne nous est pas défendu non plus de vouloir que l'on approuve nos bonnes œuvres. Il est écrit que votre lumière brille devant les hommes. Matthieu 5, 16. Ce qui est illicite, c'est l'amour de la vaine gloire. Il ne saurait être permis d'aimer ce qui est vain. Pourquoi aimez-vous la vanité et cherchez-vous le mensonge? S'écriait le psalmiste. Psaume 4, 3. Or la gloire peut être vaine de trois manières. Premièrement, lorsque nous voulons nous glorifier de ce qui n'est pas digne ou de ce qui est indigne de gloire, par exemple, d'une chose fragile, caduque ou mauvaise. Deuxièmement, lorsque nous demandons la gloire à des hommes qui n'ont pas un jugement droit. Troisièmement, lorsque nous ne rapportons pas notre désir de la gloire à une fin légitime, à l'honneur de Dieu ou au salut du prochain. Note. En recherchant la gloire, dira quelqu'un, on imite Dieu même, qui tire la sienne des hommes. Il est dangereux, répond saint Augustin, de se plaire à soi-même quand l'orgueil est à craindre. Celui-là seul qui est au-dessus de tout ne s'enorgueillit pas, si grandes que soient les louanges qu'il se donne. Il nous est utile de connaître Dieu. Et nous ne le pouvons s'il ne se montre pas à nous. Il cherche donc sa gloire pour nous, et non pour lui. De même, l'homme peut légitimement désirer sa gloire pour l'utilité des autres, comme le marque cette parole, que « les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Ne confondons pas la gloire qui vient des hommes avec la vraie gloire que Dieu donne. Celle-ci, loin d'être vaine, est la véritable récompense des bonnes œuvres. Que, celui qui se glorifie, disait saint Paul, se glorifie dans le Seigneur, il n'y a de bon que celui à qui Dieu rend témoignage. 2 Corinthiens 10, 17. Le désir de la gloire humaine porte à des actes de vertu, comme le désir des autres biens terrestres, mais saint Augustin remarque très bien que l'on n'est pas pour cela un homme vertueux. Toutefois, bien qu'il ne faille pas se complaire vainement dans les louanges des hommes, on peut les désirer pour l'utilité du prochain ou pour la gloire de Dieu, soit pour que les hommes profitent mieux du bien qu'ils voient en nous. Soit afin qu'elle les engage eux-mêmes à faire valoir les dons qu'ils ont reçus d'en haut et à s'avancer de plus en plus dans la vertu, soit même afin que la gloire nous excite nous-mêmes à persévérer dans les bonnes actions qui nous l'ont acquise. Il est louable, dans un tel but, de s'inquiéter de sa bonne réputation, et de faire le bien devant Dieu et devant les hommes. Fin de la note. 2. La vaine gloire est-elle opposée à la magnanimité? Gardons-nous de la soif de la gloire, disait Cicéron, elle enlève à l'esprit la liberté d'action, que les hommes magnanimes doivent conserver. La magnanimité use de l'honneur, et conséquemment de la gloire, avec modération. Le désir déréglé de la gloire lui est directement opposé. Telle est la vaine gloire. Note. Il répugne à la grandeur d'âme d'estimer beaucoup ce qui n'a que peu d'importance, et surtout de s'en glorifier. Aux yeux de l'homme magnanime, les honneurs de ce monde ne sont point d'un grand prix, il s'occupe plus de la vérité que de l'opinion des hommes. Fin de la note. 3. La vaine gloire est-elle un péché mortel? La vaine gloire, dit saint Jean Chrysostome, se rencontre même chez les serviteurs de Jésus-Christ, dans lesquels cependant il n'y a pas de péché mortel. Tout péché mortel est opposé à la charité, or le péché de vaine gloire, considéré en lui-même, n'est pas contraire à l'amour du prochain. Il peut être contraire à l'amour de Dieu de deux manières, d'abord, en raison de la chose dont on se glorifie, dès qu'elle est fausse et injurieuse à Dieu, ou qu'on la préfère à Dieu même, aimant mieux la gloire des hommes que celle de Dieu. Ensuite, du côté de l'intention de celui qui se glorifie, lorsqu'il se propose la gloire humaine comme sa fin dernière, faisant pour elle toutes ses actions même vertueuses, et ne craignant pas de violer les lois divines pour l'obtenir. Si l'amour de la gloire humaine, alors même qu'elle est vaine, n'est opposé à la charité ni par les choses dont on se glorifie, ni par l'intention qu'on a en se glorifiant, elle est seulement un péché véniel. Note. Cette parole du Sauveur, prenez garde d'accomplir votre justice devant les hommes, pour être revu par eux, autrement, vous n'en recevrez point la récompense de votre Père, qui est dans les cieux, Matthieu 5, 1, ne prouve pas que la vaine gloire soit un péché mortel, elle démontre seulement que l'on ne saurait mériter, en péchant, la vie éternelle, c'est-à-dire qu'une action faite par vaine gloire perd mérite, alors même que cette vaine gloire n'est pas un péché mortel. Quoi qu'il en soit, la vaine gloire est un péché dangereux, en ce que, rendant l'homme présomptueux et trop confiant en lui-même, elle le conduit à des fautes graves. Fin de la note. 4. La vaine gloire est-elle un péché capital? Il y a sur les péchés capitaux deux sentiments. Le premier met l'orgueil en tête de tous, et l'on n'y nomme point la vaine gloire. Le second, qui est celui de saint Grégoire, selon nous, le mieux fondé en raison, ne range pas l'orgueil parmi les péchés capitaux, par la raison qu'il est la cause générale et la fin de tous les vices. Il y substitue la vaine gloire, car, la gloire étant généralement très recherchée pour l'excellence et la supériorité qu'elle confère dans les choses humaines, les désirs déréglés qu'elle enfant donnent lieu à beaucoup de vices, et, pour ce motif, la vaine gloire est un péché capital. Note. Le premier sentiment a prévalu. De ce que la vaine gloire a sa source dans l'orgueil, il ne s'ensuit pas qu'elle ne soit point un vice capital, l'orgueil est le père de tous les vices. Un péché capital n'est pas nécessairement un péché mortel. Le péché véniel peut être l'origine d'un péché mortel, par manière de disposition. Fin de la note. 5. Les filles de la vaine gloire sont-elles la jactance, la présomption des nouveautés, l'hypocrisie, l'opiniâtreté, la discorde, la contention et la désobéissance? On a le droit de regarder comme filles d'un vice capital les mauvaises inclinations qui se rapportent à la même fin que lui. Or les hommes sont portés de deux façons à la fin même de la vaine gloire, qui est de montrer leur propre excellence. Ils y tendent directement, par la jactance, en se vantant dans leurs paroles, par la présomption des nouveautés, en voulant exciter l'admiration, et par l'hypocrisie, qui consiste dans des actions fausses. Ils y tendent indirectement en ne voulant pas paraître inférieurs aux autres, et ici se présente l'opiniâtreté, qui refuse d'abandonner son sentiment pour un avis meilleur, la discorde, qui ne veut rien céder pour la paix, la contention, où l'on se dispute avec bruit, et la désobéissance, par laquelle on ne veut point se soumettre à l'ordre d'un supérieur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.